La délégation de la Fédération générale des travailleurs péruviens, conduite par Leopoldo Ortiz Senti, membre exécutif et secrétaire général du syndicat de port, a visité le 16 les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu à Pyongyang pour déposer une gerbe de fleurs avant de formuler l'hommage.